On était 200 à l'enterrement de Cornelius. N'en manquait pas un des vieux copains de Cornelius. Habillé de blanc pour l'enterrement de Cornelius. Le soleil cognait, joli mois de mai pour Cornelius. Au bord du trottoir, une bande de bavards s'était rassemblée pour voir. Et c'est le laitier qui avait prêté son chariot pour l'emporter. Couché près de lui, on avait mis son saxophone. La veuve pleurait, les gosses mâchaient des chewing-gums. Pour le déposer sur le chariot où l'attendait sa place, les copains l'ont chargé sur le dos comme une contrebasse. C'est à ce moment que les instruments sont mis à jouer en chemin tous les refrains du passé. On est parti sur le chemin, plein de pierres, de trous, plein de chagrin, qui conduisait au cimetière, oh, au cimetière. Le défilé s'augmentait sans fin, des enfants attirés par la musique, et les vieillards qui ne pouvaient plus rien regarder passer le défunt, les lèvres desséchées par la poussière. On s'est arrêté pour boire dans la montée. On est arrivé enfin au cimetière, le chariot nous y attendait. Quand on a mis Cornelius dans la terre, son saxophone brillait tout près de lui. Et le pasteur alors nous a fait taire en chantant son De Profondis, en chantant son De Profondis. Et l'on est reparti sur le chemin, plein de pierres, de trous, plein de chagrin, qui revenait du cimetière, oh, du cimetière. La veuve qui ne pouvait plus marcher est redescendue sur le char du laitier. Et nous on a continué de jouer et de boire sans nous arrêter. On a vu toute la nuit dans la maison de la veuve endormie. Tant et si bien qu'au lever de l'aurore, Cornelius pour nous n'était plus mort. Cornelius pour nous n'était plus mort. À l'enterrement de Cornelius, n'en manquait pas un des vieux copains de Cornelius. Quel bel enterrement que l'enterrement de Cornelius. Quand je quitterai la terre, je veux commentaire comme Cornelius.